Fais boire ça à François. Jusque-là, il perdait tout ce qu'il avalait de l'eau, puis il a restitué. Puis je me souviens que. Comment elle s'appelait? La fille de grand-père Caillou. Ça me semble que c'était deux prénoms en un. En tout cas, qu'est-ce que ça peut penser? Quelle sorte de docteur que c'est ça? Je lui ai dit, c'est le docteur à lequel on a confiance. Si elle me dit de faire quelque chose, je vais le faire. Les gens, s'ils entendent le docteur lui dire de faire quelque chose, ils vont le faire. C'est pas Annie, Annie. Marie-Josée. Ça? En plein ça. Les deux? En plein ça. Je te demande si c'est ça que je me suis pas posé la question quand tu es arrivé, je l'ai dit. En tout cas, là, il dit de lui donner du 7-Up. Pire encore, à flat. On lui donne. Je me souviens pas comment on avait fait pour lui faire prendre, par exemple. Ça, c'est toi qui l'avais fait. Moi, je le tenais, puis. Je me rappelle pas des détails. Il gardait même pas mon lait, hein. Non, c'est ça qui était le pire. C'était grave, ça. C'est ça qui nous a mis en alerte. Puis à l'hôpital, opération de l'oreille interne. Peut-être Thibodeau t'a dit que d'après les symptômes qu'il présentait, le François, la réaction du docteur qui l'avait examiné, elle était bonne. Mais avant de faire l'opération dans l'oreille interne, il y a d'autres choses qu'on peut essayer. Je me rappelle que tu m'avais dit ça tel quel, que mot à mot. C'est ce que le docteur t'avait dit. D'essayer de lui donner du 7-Up aux 4 heures. Et de le rappeler le lendemain matin, après quelques doses, là, et de dire qu'est-ce qu'elle était. On fait ça et il garde le 7-Up. Elle a retrouvé ça très bon d'ailleurs. Et puis, le lendemain, au moment où il t'avait dit de le rappeler, tu le rappelles, que tu lui dis, et il boit le 7-Up, il aime ça, puis il le garde. Il dit, reprenez la tétée. Et là, faites pas d'opération maintenant, là, c'est bon signe sur la part. Il faudrait qu'elle recommence à tétée. Je sais plus comment c'était la confiance en Thibodeau, le total, la confiance en toi, total, la confiance en Marie-Josée, nulle, puis son charme m'a coupé. On suit ce que le docteur Thibodeau nous a dit. Là, elle était tout énervée parce que on n'allait pas, on retournait pas à l'hôpital où il avait fait le diagnostic, là, puis il l'attendait pour l'opérer. On y va pas. Et c'est là, je pense, que la division entre les deux couples s'est faite totale. Ah ouais. Mais depuis que le bébé n'était pas là, la tension s'est installée, puis ça a monté, puis bon. Parce que là, le bébé devenait Hein? le bébé devenait un obstacle au programme, c'est ça? Mais nous autres, on voulait que... Pour eux autres. On s'occupe de notre bébé, puis eux autres, ils voulaient continuer le voyage. Allez-y. Bon, nous autres, on va prendre le train. Une fois que c'était sûr, là, que ce que tu as dit, tu avais fait faire et tu donnais les résultats, on est allé prendre le train. Là, ben, il y a Jean-Pierre qui se fait jamais que le monde. Oui, le train, moi, je pense que le, le souvenir diffus que j'ai du train, c'est que ça avait été une aventure positive. Une aventure quoi? Positive. Absolument. Longue, mais positive. Oui, là, là. On s'est entendu que... telle date, là, il nous ramenait le camper, puis que nous autres, parce qu'on avait loué pour un mois, je pense, il restait 2 semaines. Eux autres, ils nous prenaient pour 1 semaine. Ils nous le rapportaient chez nous. Puis nous autres, on repartait pour la dernière semaine. Puis on était allés aux États-Unis, dans l'État de New York. Dans le bout de Ozabov Chasm, si ma mémoire est bonne. Oh, t'es meilleur que moi. On a fait là, juste du camping détendu. Oui, on avait besoin de récupérer. Hein? Ça avait pu être très, très le fun. Ils avaient mis leur auto dans notre garage. Ils étaient repartis avec leur auto. Hein? Pendant le voyage dans les Maritimes, eux autres, ils avaient laissé leur auto dans notre garage. Ah ouais? Et puis, ils avaient rapporté le camper. Repartir avec leur auto. Pendant le voyage ensemble, l'auto. Ouais. Okay. Après, on ne s'est jamais revu. Ça a été fini et mini. Attends d'autres, là. Après, là. Après ça que Marie-Josée nous avait branché sur le bois gelé pour Jean-Pierre. D'après moi, c'est avant. D'après moi. Ça se pourrait bien, là. Je sais pas trop. Après cette aventure-là, je me rappelle pas qu'on ait eu contact avec eux autres. Ça se pourrait bien. Est-ce que tout ça, ça s'était organisé pendant les samedis chez Grand-Père Caillou, à Boucherville? C'est là que vous aviez établi un lien. Elle et toi, là, c'est là que vous étiez connus? C'est parce que Jean-Pierre est allé 2 ans, normalement. C'était 1 an, ça, cette garderie-là. Garderie, je sais pas quel mot prendre, là. C'est le jardin de grand-père. Il appelle ça le jardin de grand-père, oui. Et puis, comme Jean-Pierre, pendant ce jardin-là, il s'assoyait, puis il regardait faire les autres. Mmh. Il le faisait pas. Là, elle m'avait expliqué ça. Jean-Pierre, il n'est pas intéressé à faire ce que les exercices, les mouvements, là, bon. Allez, regarde faire. Et quand il y en a un qui se trompe, il dit, ça, c'est pas comme ça, là, que tu fais ça, là. Ah. Et il dit comment le faire. Et il l'a jamais fait. Fait que je sais pas comment arranger ça, là. Vous l'amenez ici, c'est pour faire. C'est pour faire des exercices, c'est pour apprendre des choses. Il apprend tout, mais il ne fait pas. Fait que. Je pense que je vais vous remettre une partie de l'argent que vous avez investi dans ça. Parce que la seule autre chose, ce serait qu'il est tenté de le faire faire une deuxième année. Peut-être que là, il le ferait. C'est ça qu'on avait choisi. Au bout de la ligne, on avait fait un petit peu. Pas pour la peine. Puis là, on nous a branchés sur Bois-Joli. Mais dit, lui, il sait pas lire, puis il sait pas écrire, il n'est pas allé à l'école seulement. Là. Fait que je vais essayer d'expliquer comment il fonctionne. Parce qu'il est très observateur, ça, il n'y a rien qui lui échappe. Là. Fait que moi, je lui avais accepté. Et au bout de je sais pas combien de fois, là, c'est une fois par semaine, ça. Elle me dit, Jean-Pierre n'est pas allé à l'école encore. C'est ce que Marie Choiseul avait dit. C'est exact. Il a fait le jardin de grand-père Caillou deux fois, puis en septembre, vous l'avez pris, mais il a commencé l'école en septembre. Elle dit, vous ne lui avez pas montré à lire, à écrire. Non, non. J'ai toujours dit que si c'était moi qui lui apprenais, ça ne donnerait rien de l'envoyer à l'école. Oui, embêterait tout le monde. Tu vois, ils ont 4 ans de différence. Jean-Pierre et François. Quand on est allé à Nouvelle-Écosse, François doit avoir un an et demi. Donc si tu ajoutes 4 ans à ça, je dis que Jean-Pierre il était à l'âge de leur garçon plus vieux aussi, Jean-Pierre. Mm-hmm. 25, ça fait. François-Xavier. Quand on a le bébé, ça. Ouais. Non, mais celui qui l'âge de Jean-Pierre s'appelait Vincent. Vincent, oui. Le nom qu'on n'avait pas voulu donner à Jean-Pierre. Ouais, et puis, c'était un des noms qu'on avait gardé pour François, mais finalement, il s'appelait François. Le nom de François, nous autres, là, il est arrivé, je pense qu'il y avait un mois de différence, quelque chose de même avec leur bébé. Ça vient de sa marraine. Et puis, hein? Ça vient de Chantal, François. C'est elle qui avait décidé. Oui, oui, mais là, je te parle de François par rapport au bébé de ah, Caillou. Okay. Elle voulait appeler son gars François. Elle était enceinte quand j'étais enceinte. C'est ça, puis pendant que vous étiez tous les deux enceintes, Jean-Pierre allait chez grand-père. Et c'est ça. Alors, elle dit, comment vous allez l'appeler? On voulait l'appeler François, mais c'était les parents pas morales qui décidaient. Fait que soit François ou Vincent. Quelque chose de même. Vincent, c'était venu après. Oui, c'est bien. Oui, c'était quoi donc que Guy voulait? Guy, je ne me rappelle pas. Mais c'est un nom qui se dit en français ou en anglais. Puis lui-même, quand il nous a proposé ce nom-là, ce prénom-là, a pris la version en anglais. Jonathan. Jonathan. Puis là, il dit lui spontanément, Jonathan, je t'ai vu sursauter. On l'a éliminé. ça a été éliminé à l'unanimité. Ouais. Puis là, ben François, c'est Chantal qui le proposait, puis il dit, on les a laissés aller, c'est dans l'église, en s'en allant vers le baptistère dans l'église, que Guy a dit à Chantal, ben c'est l'année de la femme, fait qu'on va prendre ben, le prénom que je choisis. C'est comme ça que c'est appelé François. Puis elle, elle dit François, c'est le nom qu'on veut donner au nôtre. Ça serait mêlant. La fois d'après, elle dit, on a réglé le problème. On va l'appeler François-Xavier. Et effectivement, il s'est appelé François-Xavier. J'ai été allé le saluer, moi, à l'hôpital, après son accouchement. C'est tant que j'étais dans la chambre avec elle. Puis là, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle l'appelait François-Xavier. Mais il était bébé. Hein? François, il n'y avait pas un an et demi quand on est allé. Apparemment, il y avait plutôt 6 mois. Que la... Quelque chose de même, oui. Il marchait pas. Parce que, écoute, il était encore au sein. Puis, non, mais il a été longtemps. Non, mais il était vraiment bébé, là. Oui, parce qu'il marchait pas. Il marchait pas. Donc, tu venais me le brancher dans le haut de la... Un an et demi, il avait marché. Non, il l'avait pas. Fait que c'est... tu vois, on est allé là au mois de... On partait tout de suite, nous autres, après les classes, ça veut dire début juillet. Mm-hmm. Et... Peut-être même avant. François, il est né au mois de décembre, donc il y avait... Après Saint-Jean-Baptiste. Janvier, février, mars, avril, mai, juin... Il y avait 7 mois. Ouais. C'est là. Fait que, ouais... comment ça s'appelle, là? Je viens de le perdre, là. Celle qui a accepté Jean-Pierre. Jean-Pierre, il va avoir 4 ans et demi. Elle me raconte que il fait rien de particulier, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Elle la faisait écrire des textes, elle les faisait lire. Et puis elle dit, je fais lire un texte pour un enfant. Et puis elle fait relire par un autre, bon, je ne sais pas trop, là, il y a un dialogue à un moment donné. Puis à un moment donné, elle dit, Jean-Pierre, il dit, non. Il n'y a pas un mot, ce là. Non, quoi? Mais quand lui a lu, là, il a fait un mélange en lisant. Il a changé ce qu'il avait dit avant en le relisant. Parce qu'il a changé un mot dedans, le texte. Vous savez que ça s'appelait un texte. Hein? Elle le dit, c'est un texte. Là, ça l'a intrigué. Hein? Je lui ai demandé, mais quel mot peut changer? Puis elle lui a dit. Et il lui a dit. Puis elle a dit, ça revenait à ma tête que quand il a lu le texte, il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec la première lecture qu'il avait faite. C'est Jean-Pierre qui l'a vu, qui l'a entendu, puis qui l'a vu, puis qui nous l'a dit. Il avait changé, là, je ne me rappelle pas des mots, disons qu'il avait changé la maison pour d'autres choses, pour l'hôtel, je ne sais pas n'importe quoi. Là. Et il avait changé le petit gars qui lisait, et puis le petit gars, lui, était en deuxième ou troisième année. Et puis en lisant, ben, il a passé ça, je l'ai. Elle dit, relis donc le texte. Elle dit, regarde dans ton œil. Avant de le relire, elle dit, oh, il a raison. Ben, elle dit, l'observation. Il donnait même pas de papier où c'était écrit le texte, là. Ça ne veut pas dire, de toute façon. Et puis, l'observation qui est là, sur cet enfant-là, c'est étonnant. J'en ai eu beaucoup d'enfants. Mais j'en ai jamais pris que ça ne va pas lire et écrire. Et c'est l'autre qui l'a convaincu de le faire. elle prend. C'était le meilleur coup, ça, de mettre José. Il y a une fois, par exemple, je reste pas dehors avec le bébé, il vient à la maison, bon. Puis une bonne fois, elle pouvait pas me laisser dans la maison parce que il aurait fallu qu'elle fasse venir la gardienne. On a la femme de ménage. Ça marche pas. Elle dit, papa, elle dit, amène-le chez nous. Oui, vous êtes pas là. Puis, elle est capable de garder son enfant. On va lui à notre affaire, je sais pas ce que c'était. Un spectacle ou une pratique ou je sais pas quoi. Et puis, ils ont revient à peu près à l'heure où ton machin est fini. J'avais gardé ma François chez grand-père Caillou. Très bel appartement. Sans même rue, pas loin. Mais très bel appartement, bien aménagé, avec goût pour tout ça. Old Archer. Hmm? Old Archer. Archer, oui. C'était prémonitoire. Et puis, il y avait un beau window avec des plantes. C'était pour regarder dehors, c'était l'hiver. La neige, les plantes vertes, c'était le fun. À un moment donné, ouh, François, il y avait... Bien pire que ça. J'avais-tu une couche? Ben oui, tu partais avec ton sac. Ben, pas tout le temps. Ben en oui. Tout cas, j'avais pas ce qu'il fallait au complet, là. Pour y nettoyer les fesses, là. Il y en avait un voyage. J'avais un petit sac de polythène, là, mettre dedans, là, mais ça... Ils ont dû trouver que quand ils sont revenus, que la maison s'était parfumée. Est-ce qu'ils parfumaient la maison, eux autres? On rentrait, ça sentait une fleur, je ne sais plus laquelle. Elle n'était pas de taille. J'étais gêné. Tu peux pas savoir comment. Quand ils sont revenus, puis ça a bien été. Et oui, mais François, oh, on connaît ça. Yeah, sa femme. Oui, on connaît ça, là. Marie-Josée était la meilleure de tous nos enfants dans le domaine. Puis on revirait ça en folie, toi, là. Puis là, ben, ils m'ont invité à souper chez eux. Ils rentraient dans la maison. À souper. Je vous remercie de l'invitation, c'est très, très agréable, mais je ne peux vraiment pas y donner suite parce que faut que j'aille faire un souper à la maison. Ils m'ont donné le prétexte. Grand-père, c'était. Hum? Grand-père Caillou, c'était quelque chose. Tu fais, ton bonhomme. Même quand il n'était pas à la télévision, là, tu sais. Ah oui, il était comme ça. Il n'y avait pas deux personnalités, il y avait juste une. Oui, juste une. Puis il ne venait pas voler. Quand j'allais au jardin, là, pas l'hiver, là, mais quand il fait beau, là, tu sais, puis c'est pas froid. J'allais reconduire Jean-Pierre à l'intérieur. François était dans l'auto. Et puis. Là, j'amenais Jean-Pierre, il n'était pas vieux. Puis là, c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Pierre Descarré. Son bébé était là aussi. Elle m'avait invité à aller chez elle, puis j'ai jamais donné suite, et puis je ne l'ai jamais revu. Parce qu'elle m'avait fait cette invitation-là, la dernière rencontre au jardin. Mais grand-père Caillou, lui, il démarrait la rencontre avec les enfants. Puis pour les activités, là, il m'avait expliqué, je suis trop vieux pour ça. Là. c'est ma fille frère Léon. Fait quand elle embarquait, lui il débarquait. Je faisais un bout avec, mais j'ai pu voir que moi, en m'en allant à François, je dormais comme un prince, regarde. Que grand-père Caillou arrive dans le terrain de stationnement. Il était stationné à deux ou trois autos de notre véhicule. Puis il avait sa Citroën. D'ailleurs, la première chose qu'il m'avait dit de son auto, parce qu'en me voyant, il m'a fait signe d'aller le rejoindre. Fait que je suis allé. Il dit, vous voyez, je suis bien équipé, moi j'ai un citron. Ah oui? Il dit, dans le pays d'origine, il l'appelle citron une. Moi je l'appelle citron tout court, parce que des fours tout le temps. Elle passe plus de temps au garage pour se faire réparer que dans mon garage pour se faire reposer. Il l'aimait pas. Puis il m'avait raconté toutes sortes d'affaires, entre autres combien il était payé par Radio-Canada pour un quart d'heure d'émission dans laquelle il faisait les textes. Les costumes, la mise en scène, les dialogues, les textes d'introduction ou de transition, bon, les dialogues. Et je fais tout. Et puis, à Radio-Canada, je sais pas pourquoi, mais ils me donnent le salaire du caméraman. Et lui, il fait juste mettre la caméra. La caméra, comme je vous dis, la mettre. Ça lui donnait pour un quart d'heure 600$. Et même à cette époque-là, là, c'était. Ça payait cher. Non, c'était payé pas cher. Parce qu'il avait découvert, lui, une autre émission, je ne me souviens plus du titre, là. Qui durait une demi-heure. L'équivalent de lui pour être à l'écran, hein. Pas pour écrire les textes, pas pour faire les costumes, la mise en scène, diriger la caméra, et puis pas pour être le personnage qui est là et qui joue. Il y avait encore 600$, puis l'autre, il y en avait 2000. Il est allé voir le boss de Radio-Canada, puis il dit, qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Le boss avait dit quelque chose du genre, je sais pas trop, là. Mais si tu insistes trop, là, on va rallonger l'autre émission d'un quart d'heure. Gentil comme ça, là, tu sais. Mais il dit, mes enfants, ils m'attendaient, là, trois quarts d'heure, chaque fois que je passais à la télé, une fois par semaine. Ils ont gagné. Et puis, bon, des affaires qui étaient arrivées pendant une émission, ou quelque chose accroche, j'étais obligé de raccrocher les affaires, de se rattraper. Et c'était le fun. Il y avait une mémoire du voyage. Puis, quand les enfants ont commencé à sortir, il me dit, votre gars, là, spécial, hein? Je lui dis, vous savez lequel que c'est, la gang? Il dit, oui, c'est celui qui reste ici. que Marie-Josée n'a jamais été capable de faire agir dans l'émission. Reste ici, mais elle n'a pas besoin de surveiller qu'il y en a un qui se trompe ou pas. Là, bon, Jean-Pierre est là. Hey, c'est pas comme ça que Marie-Josée a dû te faire. il a eu beaucoup de plaisir avec ça, lui. Fait qu'à partir de cette fois-là, là, Parce que là, c'est sa deuxième année, là, Jean-Pierre. À partir de cette fois-là, grand-père, il venait me parler souvent. Oui, la première année, tu étais enceinte, la deuxième année, le bébé était là. La première année, tu étais enceinte. Mm-hmm. La deuxième année, le bébé était arrivé. Oui. Puis elle était encore enceinte. Puis elle est arrivée pas de, un peu après. Et puis j'étais allé la voir à l'hôpital. Là, elle m'avait confirmé que c'était François-Xavier. Ça avait été dur. Et puis, à un moment donné, elle avait une chambre privée, ça cogne à la porte. C'était le frère de grand-père Caillou. Le magicien. Le magicien qui arrive. Tout Michel. Un autre genre. Michel le magicien, tu l'as. C'est son vrai prénom. Hein? Michel Caillou. Hein? Hmm? Michel Caillou. Ouais. Fait qu'il arrive. On se présente. Lui, il était beaucoup plus solennel. Il était pas parent avec le grand-père Caillou. Ouais. C'est ça. D'abord, j'arrive à l'épaule. En partant, il était grand, plus que grand-père. Puis là, il me tend la main. Je mets ma main dans sa main, puis elle disparaît. Et vraiment, je sais. Je voyais plus ma main dans sa main. Puis il allongeait pas. Puis il y avait une bonne poigne. J'avais hâte qu'il décide de dire. Là, j'ai vu et senti que grand-père Caillou et Michel Caillou, c'était pas le même. On peut arriver en même temps. Tu sais, Michel Caillou, moi, je l'ai vu souvent à la télé, là, longtemps aussi. Il avait l'air grand, mais grand-père Caillou aussi, il avait l'air grand. Il était assez grand. Ben c'est ça, mais c'est l'autre qui était trop grand. Ouais. Fait que bon, il me parle, là, c'est bien sa voix, c'est bien lui, là. Mais ça faisait un bout de temps que j'étais avec la nouvelle maman. Puis là, elle lui explique, elle, que Jean-Pierre est allé au jardin, puis il est retourné, parce qu'il était très observateur, puis qui corrigeait les autres quand ils se trompaient, mais lui, il le faisait pas. Mais il savait ce qu'il fallait faire. Et il explique tout ça bien comme faut. Ça a l'air à l'ennuyer, lui, au bout. Fait que j'interromps à un moment donné la nouvelle maman, puis je la félicite encore, puis je lui dis, je vais pas te garder trop longtemps. Ça fait déjà un bon bout de temps, tu dois être fatigué. Et puis, maman. Je sais pas s'il a compris qu'il fallait pas qu'il reste longtemps. La fois d'après que j'ai vu la nouvelle maman, elle me dit merci. Merci. Elle dit mon oncle Michel, là, quand il s'assoit. En chambre. Je sais plus comment dire de, que je suis fatigué et que ça n'aille pas. Elle dit le petit bout de phrase là, je ne veux pas vous fatiguer. Il est fatigant, mais il est intelligent, il a compris, il est parti de pas longtemps après vous. Ouais, toi, il est ça, mon nom. Il y a des fois de même, tu te sens drôle.